couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy 94.2 FM et sur Fadjet.net pour une demi-heure avec les artistes de la grande région. Vous m'avez entendu déjà si vous êtes en Lorraine, mais aussi pourquoi pas en Marne ou en Alsace. Et oui, on aime les Alsaciens aussi. Si vous avez un groupe de musique, n'hésitez pas à venir nous voir pour passer dans l'émission. Mais ne parlons pas du futur tout de suite, on est sur le moment présent et on est avec. Et là, chers auditeurs, si vous me connaissez dans la vie privée, vous savez que mon cœur est en train de bondir dans sa poitrine d'amour puisque je reçois un groupe de musique celtique, mon grand amour avec le métal. Mais assez parler de moi, on va parler d'eux. Je suis avec deux membres des Celtiques, et non Celtiques, j'allais dire Celtiques, mais non, c'est Celtiques et il est déjà en train de me faire des coucous. C'est Nick, le guitariste du groupe, qui est aussi un grand fan de la langue anglaise, un grand amoureux, et on parlait hors radio qu'il fallait dire Celtiques. Celtiques, Tramps, T-R-A-M-P-S. On va redescendre d'un ton et déjà se calmer parce qu'on part déjà en vrille et ça va pas le faire. On est avec Nick, guitariste des Celtic Tramps, et on est avec le batteur Fred. Tiens, c'est marrant, un batteur en interview. C'est la première fois d'habitude, c'est pas les premiers à y aller. Bah non, je sais pas ce que je leur ai fait pour mériter ça. Ben bon. Non, mais voilà, non, on a. C'est la punition. J'ai dû faire des pains à la dernière répète, je sais pas. C'est ça, donc ils sont dit, tu es le préposé à l'interview. Chers auditeurs, on enregistre cette interview sur Zoom. Alors si je fais des fois des petits trucs du style ah, il a une bonne tête, c'est parce que je le vois vraiment, chers auditeurs. Couleur locale de Celtic Tramps. Il y a un grand homme qui a dit, mes chers amis, vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu ça dans un Fortune Cookie, il y a un grand homme qui a dit qu'on peut juger, reconnaître un groupe de musique à sa description sur Facebook. Il a dit ça il y a 500, 600 ans dans une province en Chine, quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord? Alors je vais lire votre description Facebook, ce qui me permet de vous dire, chers auditeurs, que The Celtic Tramps est sur Facebook. Si vous voulez les suivre, vous saurez. Très gentil. Alors, c'est un tout nouveau projet musical qui est né en plein confinement. Oh, ces périodes sombres en mars dernier. Et le fruit d'une passion partagée par 9 musiciens autour de la culture celte qui, malgré les apparences, n'appartient pas seulement aux contrées de l'Ouest. Et oui, effectivement, les Celtes se sont arrêtés en Lorraine avant d'aller un peu plus loin, n'est-ce pas, mes amis? Est-ce qu'on peut valider ce point-là ensemble? Absolument. Absolument. Mais on va pas parler histoire, on va parler musique. 9 musiciens autour d'un projet de musique celtique. Alors j'aime bien, moi, dire musique celtique au pluriel. Et je pense que vous êtes un peu, à mon avis, vous êtes des experts, peut-être autant si ce n'est plus que moi là-dessus, mais c'est vrai que dans la musique celtique, il y a énormément de choses du côté de la Bretagne, du côté de la Galice, de l'Écosse. On a des instruments différents, mais je ne vais pas répondre comme si c'était moi qui m'interviewais moi-même sur la musique celtique. De Celtic Tramps, quel est votre mojo celtique? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, Nick, par exemple, celui qui veut prendre la parole. On a choisi l'adjectif celtique, effectivement, pour une approche, on va dire, plus générale de ce qu'on fait. On fait de la musique traditionnelle, en fait. D'accord. Et souvent, en France, les gens identifient l'adjectif celtique à breton. Mais en réalité, on est plus centré sur l'Irlande, que tu connais quand même plutôt pas mal. Et y compris des musiques traditionnelles irlandaises, écossaises, à travers les instruments traditionnels aussi, on aborde, parce que tu parlais de la Galice, on a un des instruments qu'on utilise dans ce groupe, c'est la gaita, qui est une cornemuse traditionnelle, mais galicienne. Mm-hmm. Voilà. Donc en Espagne, pour les auditeurs qui sont perdus en géographie en Espagne, nord-ouest, voilà, l'ouest. C'est chaud, c'est compliqué. J'ai fait un festival de métal à Bilbao, en Galice, il y a quelques années, c'est un très très bon coin de Celtic Tramps. Alors, 9 musiciens, alors j'imagine du coup, comme tu le dis, mon cher Nick, il y a plein d'instruments. Moi j'ai écouté évidemment ce que vous faites, on va écouter 3 morceaux issus de votre dernier EP Oiseau de passage durant l'émission. Alors oui, c'est super complet et très mélodique, il y a de la gaïta, il y a, qu'est-ce que j'ai repéré, il y a du violon, évidemment, la whistle, la flûte irlandaise, il y a quoi d'autre? On va peut-être les citer, vos amis, vos copains, ils vont être contents. Il y a qui dans de Celtic Tramps et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a aussi de la nickel harpa, joué par Pyrrhic. Voilà, nickel harpa, donc c'est une sorte de... Bah, c'est une sorte de vielle, quoi. Mais c'est une vielle à roue? Non. Alors, c'est non, pas comme la vielle à roue. pas tout à fait, mais ça. Ouais, Nick, tu peux peut-être plus expliquer que moi. Je sais pas. Oui, c'est l'instrument traditionnel suédois. C'est une vielle à archet. D'accord. Avec des cordes sympathiques et des touches qui servent de un peu comme un clavier. D'accord. Ok. Suédois. Bon. Ben on va loin. Alors, il y a qui dans ce groupe, du coup? Oui, Marc joue du Helen Pipes. Donc c'est une musique traditionnelle irlandaise qui est assez particulière à la fois dans sa construction et dans sa sonorité. Il joue aussi de la flûte. On a Jérôme qui joue du boran. Donc c'est une percussion, une sorte de tambour, mais traditionnel irlandais également. Okay. En plus de jouer la gaita et puis des flûtes. On a Valentin qui joue du banjo. Ah oui. Voilà, qu'on retrouve assez fréquemment dans la musique irlandaise et celtique d'une manière générale. Comme on le disait, Pierrick joue de la nickel harpa, mais aussi du bouzouki et de la mandoline, en plus de chanter. On a Thomas qui joue de la mandoline également, mais aussi de l'accordéon. Alors, en musique traditionnelle celtique et irlandaise, on a souvent un petit accordéon, une sorte de petit bandoneon qui s'appelle le concertina. Okay. Donc là, on fait le lien avec l'accordéon. Hein. On a Bruno qui joue du violon. Comme tu disais, il y a effectivement du violon. Alors, en musique traditionnelle, on appelle ça un fiddle. Un fiddle, F-I-D-D-L. Voilà, mais c'est un violon. Hein. Il joue aussi de la flûte. Un détail. On a un contrebassiste qui est donc Xavier. Mm-hmm. Et puis, Fredo à la batterie et moi à la guitare. Voilà. La vache, neuf musiciens, multi-instrumentistes pour la plupart, qui mélangent les univers celtiques, une gaita de Galice, un Helen Pipes d'Irlande, un instrument suédois au service d'une musique traditionnelle qui m'a fait penser à des groupes, mais on verra ça dans le top flop, chers auditeurs, ça viendra juste après. La première musique issue de votre EP, Oiseau de Passage, qu'on peut déjà acheter où, si on est convaincu? Tout simplement en se connectant sur notre site internet, theceltictramps.com. Avec un petit S. J'ai toujours, j'admire les groupes qui ont un nom de domaine en .com avec le nom de votre groupe. Je vous aime, je vous admire. Quel accomplissement. Mes amis, j'aimerais avoir un pierremerciol.com, mais ça n'arrivera jamais. Alors, on va faire une petite pause musicale pour montrer aux auditeurs quel est votre univers avec un titre qui s'intitule Une pour toutes. Alors, il y a un invité, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, mais c'est chiant quand on me demande de quoi parle une musique, alors que je vais l'expliquer dans la musique. Et bien, vous savez quoi? Je ne vais pas vous poser cette question-là. Je vais laisser les auditeurs se faire un avis sur cette musique une pour toutes. Et on revient après avec The Celtic Tramps dans Couleur Locale sur Fadjet, 94.2 FM à Nancy et Fadjet.net. Gentil galant, il a fait faire une armée de 80 paysans. Le chardon en étendard, une arquebuse pour deux gens, la pique en bois sur l'épaule, à l'Hérion, restons prudents. Attaquer la motte par dehors et par dedans, au bastion Saint-Nicolas, ils nous mettront tout en sang. Jamais toutes de Celtic Trumps, un groupe de musique celtique traditionnelle nancéen issu de leur EP, Oiseau de Passage, leur premier EP, un groupe qui s'est créé pendant le dernier confinement, le confinement de mars. Qu'est-ce qui vous a réuni là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre ensemble? Bah c'est un pote qui a lancé ça un peu par hasard sur Messenger. Il a fait un groupe et puis il a proposé à plusieurs personnes de se mettre dessus. Et puis à partir de là, chacun enregistrait, on prenait un morceau de référence et chacun enregistrait des parties selon l'instrument qu'il jouait, quoi. Génial. Et de là, bon, après, il y en a qui sont un peu partis de ce groupe-là et bon, est resté un peu un noyau. Enfin, voilà, donc on va dire les neuf. Voilà, puis ça s'est transformé en groupe. Ah, c'est un peu ça, Nick. Absolument. Voilà, bon, ben voilà. Ça s'est Fred, fait comme ça. Fred, le batteur, et Nick, le guitariste en interview pour de Celtic Trumps. Alors, j'ai adoré votre EP. Bon, si je ne l'avais pas aimé, je ne le dirais pas parce qu'on est en radio. Donc. Mais j'ai adoré votre EP. J'ai adoré ce côté, voilà, bah, on l'a entendu avec Une pour toutes, c'est cette narration d'histoire. C'est vraiment, bah, pour moi, c'est très celtique. Hein. C'est ces personnages très humains envers qui on se raccroche, qui vivent des aventures, qui se baladent, qui prennent la mer, qui nous racontent leurs déboires. Enfin, et ça m'a fait penser à des groupes. Alors moi, j'aime bien faire un petit top flop, c'est-à-dire que je vais vous proposer deux, trois noms de groupes et vous allez me dire top, c'est une influence dans notre musique ou flop, mais arrête de recevoir des groupes en radio, tu ne comprends rien, tu ne sais pas, tu arrêtes. Donc voilà, c'est un petit top flop. Est-ce que vous avez envie de jouer avec moi? Oui. Non, mais... Non, mais on va le faire quand même, parce qu'on est sympa. Il n'est des questions qui ne se posent pas. Le top flop avec de Celtic Trump en couleur locale. Je vais... Ah bah alors là, vous êtes obligé de me dire top, je vais parler des Trianes. Ah bah top. Top. Ah, Nick a l'air un peu plus... C'est moins ton truc. C'est moins mon truc. Bah disons, on en reprend une. Ah non, mais c'est vrai que c'est pas forcément deux, c'est la complainte. Et eux l'avaient reprise aussi, mais c'est un trad. Voilà. Mais j'ai trouvé, je sais pas, dans l'idée, bah, ne serait-ce que dans Une pour toutes, dans la façon dont l'histoire elle est narrée, chantée, ça m'a fait penser à beaucoup de titres qu'ils font. Voilà. Une pour toutes, c'est inspiré à la base d'une chanson traditionnelle savoyarde. Ah, d'accord. Qui s'appelle Gironfla et qu'on a repris parce qu'on voulait la chanter, mais on trouvait que le côté savoyard, déjà, ça ne nous intéresse pas. Oui. Donc on l'a adapté avec l'histoire de la Lorraine, puisque un pour tout, c'est la devise de la Lorraine. Et puis on a adapté le texte. Il y a tout un tas de références, effectivement, à la guerre de 30 ans, au duc de Lorraine, etc. Ça, c'est génial. Vous avez pris un thème traditionnel savoyard pour en faire un morceau qui parle de la Lorraine, le tout en faisant du celtique. Bravo. Je vais vous laisser finalement la parole. Est-ce qu'il y a des groupes de référence qu'on peut citer et qui sont un peu dans votre ADN également? Oui, absolument. On a des références. Hein. Quand on choisit un morceau, il y a un d'entre nous en général qui fait une proposition. Mm-hmm. Et il y a un consensus le plus général possible dessus. À ce moment-là, on l'adopte, entre guillemets, et puis on le travaille à notre façon, avec toutes nos influences à chacun. Mmh. Et là-dedans, on peut compter, par exemple, sur le travail vocal, on serait assez proche de ce que fait un groupe qui s'appelle les High Kings. D'accord. C'est quatre gars qui chantent comme des fous. Et même si on n'a pas autant de talent vocal que eux, on s'inspire un peu de leur façon de travailler les voix pour travailler les nôtres. Ça, c'est un exemple. Bon, il ne faut pas se rabaisser, là. Non, c'est n'importe quoi. C'est de la modestie, ça va. C'est de la modestie, ok, c'est de la modestie. De Celtic Trumps, alors on a un EP, un Oiseau de Passage, un six titres. Alors dans Celtic, on sait souvent qu'il y a beaucoup de réinterprétations traditionnelles. On est sur beaucoup de compos de la réinterprétation. C'est quoi la jauge à peu près? Bah, là, la compo, ça démarre seulement. Il y en a deux là, sur le premier EP. Mm-hmm. Il y en a d'autres, donc c'est plus du réarrangement de trad, mais la compo arrive petit à petit. Après, ça va faire du 50-50, puis après, je pense que ça prendra après peut-être plus le dessus, mais pour l'instant, c'est plus du réarrangement de trad reprise. Le thème traditionnel. Je vous propose, hein, chers auditeurs, d'écouter un deuxième morceau qui s'intitule « Le Forban ». Et là, je vais vous la poser, cette question. Qu'est-ce que le Forban ? C'est un gars qui faisait du rock avec ses copains dans les années 80. Non, pardon. Il fallait mettre ses baskets pour écouter tout ça. Mais non. Non, mais dans la chanson telle que nous, on la pratique, il y a, on va dire, il y a des grandes familles. Il y a la chanson de pub, la chanson à boire, mm-hmm. typiquement la chanson irlandaise plutôt. Et puis, il y a la chanson de marin, qu'on aime bien aussi. La chanson de marin. Formant, c'est une chanson de marin. C'est une chanson de marin. Donc là, on est sur une réinterprétation également de quelque chose qui est déjà connu. Absolument. Ouais, c'est une chanson bretonne, ouais, vraiment traditionnelle. Okay. Celtic Rome en couleur locale, vous y êtes bien. Restez-y, 94.2 FM à Nancy et sur fadjet.net. On s'écoute le Forban et on revient juste après pour la suite de l'interview. À moi Forban, que m'importe la gloire, les joies du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai porté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul désir que j'ai su conquérir. C'est sur les flots que j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un Forban doit mourir. Va qui pétille, femme gentille, sous tes baisers brûlants d'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je tue tour à tour. Peut-être qu'au mât d'une barque étrangère, mon corps un jour servira d'étendard. Et tout mon sang rougira la galère, aujourd'hui fête et demain le bazar. Allons esclaves, allons debout mon brave, buvons la vie et le vin à grand pot. Aujourd'hui fête et puis demain peut-être, ma tête ira s'engloutir dans les flots. Va qui pétille, femme gentille, sous tes baisers brûlants d'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je tue tour à tour. Je bois, je chante et je tue tour à tour. Qu'un jour, par un coup de fortune, je capturerai l'or d'un beau galion. Riche à pouvoir vous acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. La respecter tout comme un gentilhomme, moi qui ne fus qu'un Forban, qu'un bandit. Je pourrais comme le fils d'un roi tout comme, mourir peut-être dedans un grand lit. Va qui pétille, femme gentille, baisers brûlants d'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille. Je bois, je chante et je tue tour à tour. Je bois, je chante et je tue tour à tour. Le Forban, issu de l'EP Oiseau de Passage du groupe de Celtic Tramps, un groupe qui s'est construit pendant le confinement en mars. Ils sont neuf, ils mêlent les musiques celtiques et traditionnelles de main de maître avec des instruments issus de régions du monde comme la Suède, qu'on ne supposerait pas. Moi, je suis admiratif quand même que vous ayez réussi en partant du confinement qui est en... aussi qui a été un espace de créativité, mais d'arriver à créer quelque chose et à sortir un EP genre moins d'un an d'après, c'est quand même un sacré défi à relever. J'aimerais vraiment savoir quelles ont été les grandes étapes, qu'est-ce qui vous a vraiment donné cette émulsion, cette pulsion de le faire, Nick. Eh ben, je crois que on a en point commun tous les neuf de comment dirais-je, d'avoir une énergie qu'on arrive à vraiment mettre en commun, à s'auto-booster chacun l'un l'autre. Mmh. Et on sort une énergie que tous les gens qui nous ont vus ou entendus jouer ont vraiment noté et qui nous atteignent nous-mêmes parfois. Et une des grandes étapes, ça a été évidemment de se retrouver en vrai après à la fin du premier confinement pour continuer à jouer ensemble. Bien sûr, oui. Parce que... C'est là que vraiment cette énergie s'est révélée. Et puis tout de suite dans la foulée, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aille jouer, il faut qu'on aille vers les gens, il faut qu'on partage cette énergie, cette passion. Et on est parti en tournée. Direct. Mais à l'arrache, hein, comme on dit, c'est-à-dire on a loué un camion et on est parti. Alors on avait un ou deux points de chute en Bretagne, mm-hmm. mais à part ça, on n'avait aucun contrat de prévu, on n'avait rien du tout. Et on a fait que de la rue. Et on a joué notre set, entre guillemets, c'est-à-dire l'ensemble des morceaux qu'on avait travaillés, mm-hmm. qui était à peu près au point, on les a joués plus d'une trentaine de fois. Ah oui. Comme ça, dans la rue. Dans la rue en Bretagne. Voilà, absolument. Et itinérant, quoi. Génial. Voilà, ça, c'est une grande étape aussi. Alors, t'as joué avec quoi, Fred, toi, du coup ? Avec ta batterie, un tambour ou... Je tournais, ouais, j'ai une toute petite batterie, et puis je faisais aussi du Baudran, et puis j'avais appris un tome, une caisse claire, une toute petite grosse caisse. Est-ce qu'on peut imaginer faire de l'itinérance en Lorraine ? Ah, je t'ai peut-être coupé, pardon. Non, puis le Caronne aussi, qui est une bonne alternative, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une itinérance en Lorraine, ou est-ce qu'il y a des dates de concert ? Parce que moi, j'ai vraiment envie de vous voir, les gars. Hein. J'ai écouté l'EP et j'ai envie de vous voir. Malgré la situation sanitaire, est-ce qu'il y a des choses qui s'amorcent ? On a des dates de prévues, mais par contre, on est dans une incertitude qui est... Bah oui. Bah oui, forcément. Assez grande. Donc voilà, on ne sait pas si ça se fera. En tout cas, nous, on fait ce qu'il faut pour que ça se fasse. On est chaud. Hein. Vous êtes chaud, bah oui, carrément. Ah bah, on attend que le feu vert, hein, comme plein de gens. On doit avoir des choses qui se préparent. Alors, on a, je ne sais pas si on peut le dire, on a un truc qui se prépare là pour la Saint-Patrick. Oh bah oui. Ah, ouais, pour... Bah si, et non, on est là pour ça. On peut l'annoncer, oui, on va faire un live en streaming depuis chez Paulette pour la Saint-Patrick. Oui. Génial. Voilà. Alors, ce sera le 17, ce sera normalement le 20 mars. Le 20 mars. Voilà. C'est un peu votre release party, non ? Ouais, bah oui, un petit peu, on va dire. Ouais. C'est quand même plutôt pas mal, hein, sur un établissement comme chez Paulette. C'est une bonne vitrine, en tout cas. Félicitations. Alors, on est également en juin, en juillet, un peu en août aussi, à droite à gauche, en Lorraine. Et puis, on ne manquera pas de communiquer sur ces dates au fur et à mesure qu'elles se confirmeront. Notamment sur notre site internet qu'on a cité tout à l'heure. The Celtic Tramps, tout attaché avec un S à 30TRAMTS.com, où vous pouvez également vous procurer leur EP Oiseau de Passage. Alors, je crois qu'on l'a teasé un petit peu, mais vous préparez aussi, j'imagine, un autre CD, donc avec de nouvelles compos. Oui, le deuxième EP, qui n'est pas encore fini, mais qui est bien avancé déjà. Bien avancé. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour le futur ? Est-ce qu'on peut passer déjà une petite annonce si vous êtes gérant d'une salle, gérant d'une structure qui pourrait accueillir des concerts, ou si vous êtes organisateur privé, que vous avez foi dans le fait qu'on va pouvoir rejouer d'ici quelques mois, est-ce qu'on ne pourrait pas vous demander de booker les Celtic Tramps ? Parce qu'on est là pour ça aussi en radio, de faire du lien. Peut-être en leur envoyant un petit mail là, de celtictramps@gmail.com, en leur proposant des dates. Est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Est-ce qu'on ne vient déjà pas de le faire ? Mais si, mais c'est une très bonne idée, ça. C'est très bien. Très bonne idée. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Est-ce que vous avez un petit mot final à dire aux auditeurs pour leur donner envie, s'ils n'ont pas déjà envie d'acheter votre EP et de vous écouter ? Eh bien, s'ils ont envie de voyager auditivement et voilà, et de danser chez eux, parce qu'on ne peut pas danser ailleurs, il faut absolument vous procurer l'EP des Celtic Tramps. La très, très belle musique, et voilà, et tous des beaux instruments et une bonne ambiance. Et vous avez la validation de votre hôte de couleur locale sur Fadjet, puisque je suis un passionné de musique celtique, donc je valide, c'est quand même bien. Vous avez vu les go du gars. On va se laisser Nick, guitariste de Celtic Tramp, pardon, et Fred, batteur, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite vraiment du bonheur pour la suite, que ce soit pour les futurs concerts et pour le futur EP. On se donne rendez-vous avec vous le 20 mars en live sur Facebook. On remettra toutes les infos sur notre site. La release party qui cache son nom en direct de chez Paulette, et on se laisse avec le titre Princesse Marjorie. Alors, je ne vais pas vous demander qui est cette Princesse Marjorie, je vais laisser les auditeurs écouter. Merci Nick, merci Fred, et bonne suite et bon vent. Merci Pierre. De rien. De Celtic Tramp. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le samedi et le dimanche pour une nouvelle édition de Couleur Locale. Et l'invité est le suivant. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Alex Toucourt, qui vous fait gagner 3 CD. D'ailleurs, sur la page Fadjet, on vous fait gagner 3 CD. À bientôt, chers auditeurs. Le podcast de cette émission sera disponible ce soir sur mon Mixcloud et sur Fadjet.net. Autant bien heureux de dépenser dans la joie les butins de gala, les richesses gagnées dans l'allégresse au cours de nos festins hors la loi. Toi qui veux mener grand train pour qui la mer ne vaut rien, reste à quai, tu ne connaîtras pas cette fière reine, cette beauté souveraine qui nous guide là-haut. Loin de la terre, les oiseaux de passage goûtent aux joies du monde, aux plaisirs sauvages. Épris d'ivresse et de roulis, charmé par princesse Marjorie. Pour participer à cette émission, envoyez vos CD par courrier à Fadjet, 47 rue Charles III, 54000 Nancy, ou en format audio numérique à programmation@fadjet.net.